entre Pozzo et Lucky. Celui-là dirige celui-ci au moyen d'une corde passée autour du cou. Lucky porte une lourde valise, un siège pliant, un panier à provisions et un manteau. Pozzo, un fouet. Lucky tombe avec tout son chargement. Reste tranquille. Attention, il est méchant. Avec les étrangers. C'est lui. Qui? Voyons. Godot. Voilà. Je me présente. Pozzo. Mais non. Il a dit Godot. Mais non. Vous n'êtes pas Monsieur Godot, monsieur? Je suis Pozzo. Ce nom ne vous dit rien? Je vous demande si ce nom ne vous dit rien. Pozzo, Pozzo, Pozzo, Pozzo. Ah, Pozzo, voyons, Pozzo, Pozzo. C'est Pozzo ou Pozzo? Pozzo. Non, je ne vois pas. J'ai connu une famille Gozzo. La mère brodée au tambour. Nous ne sommes pas d'ici, monsieur. Et vous êtes pourtant des êtres humains, à ce que je vois. De la même espèce que moi? De la même espèce que Pozzo? D'origine divine? C'est-à-dire qui est Godot? Godot? Vous m'avez pris pour Godot. Oh non, je passe à l'instant. Qui est-ce? Eh bien, c'est, c'est une connaissance. Mais non, voyons. On le connaît à peine. Évidemment, on ne le connaît pas très bien, mais tout de même. Pour ma part, je ne le reconnaîtrais même pas. Vous m'avez pris pour lui. C'est-à-dire l'obscurité, la fatigue, la faiblesse, l'attente. J'avoue, j'ai cru un instant... Ne l'écoutez pas, monsieur, ne l'écoutez pas. L'attente, vous l'attendiez donc? C'est-à-dire... Ici, sur mes terres. On ne pensait pas à mal. J'étais dans une bonne intention. La route est à tout le monde. C'est ce qu'on se disait. C'est une honte, mais c'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus de ça! À vous! Chaque fois qu'il tombe, il s'endort. D'abouchagne! Arrière! Arrière! Mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Mais oui, sincèrement heureux. Plus près! Arrête! Voyez-vous, la route est longue quand on chemine tout seul pendant... Pendant 6 heures. Oui, c'est bien ça, 6 heures à la file, sans rencontrer âme qui vive. Manteau! Lucky dépose la valise, avance, donne le manteau, recule, reprend la valise. Tiens ça! Pozzo lui tend le fouet. Lucky avance et, n'ayant plus de main libre, se penche et prend le fouet entre ses dents. Pozzo commence à mettre son manteau, s'arrête. Manteau! Lucky dépose tout, avance, aide Pozzo à mettre son manteau, recule, reprend tout. Le fond de l'air est frais. Fouet! Lucky avance, se penche, Pozzo lui arrache le fouet de la bouche. Lucky recule. Voyez-vous, mes amis, je ne peux me passer longtemps de la société de mes semblables. Même quand il ne me ressemble qu'imparfaitement. Pliant! Lucky dépose valise et panier, avance, ouvre le pliant, le pose par terre, recule, reprend valise et panier. Plus près! Lucky dépose valise et panier, avance, déplace le pliant, recule, reprend valise et panier. Pozzo s'assied, pose le bout de son fouet contre la poitrine de Lucky et pousse. Arrière! Encore! Arrête! C'est pourquoi, avec votre permission, je m'en vais rester un moment avec vous avant de m'aventurer plus avant. Panier! Lucky avance, donne le panier, recule. Le grand air, ça creuse. Il ouvre le panier, en retire un morceau de poulet, un morceau de pain et une bouteille de vin. Panier ! Lucky avance, prend le panier, recule, s'immobilise. Plus loin ! Là ! Il pue. À la bonne nôtre ! Estragon et Vladimir tournent autour de Lucky, l'inspectent sous toutes les coutures. Pozzo mord dans son poulet avec voracité, jette les os après les avoir sucés. Lucky ploie lentement jusqu'à ce que la valise frôle le sol. Se redresse brusquement, recommence à ployer. Qu'est-ce qu'il a ? Il a l'air fatigué. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages ? Est-ce que je sais ? Attention ! Si on lui parlait. Regarde-moi ça. Quoi ? Le cou. Je ne vois rien. Mets-toi ici. En effet. À vif. C'est la corde. À force de frotter. Qu'est-ce que tu veux ? C'est le nœud. C'est fatal. Il n'est pas mal. Tu trouves ? Un peu efféminé. Il bave. C'est forcé. Il écume. C'est peut-être un idiot. Un crétin. On dirait un goitre. Je n'ai pas sûr. Il allaite. C'est normal. Et ses yeux. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sortent. Pour moi, il est en train de crever. Tu n'es pas sûr ? Pose-lui une question. Du quoi ? Qu'est-ce qu'on risque ? Monsieur ! Plus fort ! Monsieur ! Foutez-lui la paix ! Vous voyez pas qu'il veut se reposer ? Panier ! Panier ! Que voulez-vous ? Ce n'est pas son travail. Ça va mieux. Monsieur. Qu'est-ce que c'est, mon brave ? Vous ne mangez pas. Vous n'avez plus besoin des os, monsieur ? Tu ne pouvais pas attendre. Mais non, c'est tout naturel. Si j'ai besoin des os. Non, personnellement, je n'en ai plus besoin. Mais, en principe, les os reviennent au porteur, c'est donc à lui qu'il faut demander. Mais demandez-lui, n'ayez pas peur, il vous le dira. Monsieur. Pardon, monsieur. On ne te parle pas ! Réponds ! Allez-y. Pardon, monsieur. Les os, vous les voulez ? Monsieur. Réponds ! Tu les veux ou tu ne les veux pas ? Ils sont à vous. C'est pourtant bizarre, c'est bien la première fois qu'il me refuse un os. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade ! C'est une honte ! Faites-vous allusion à quelque chose de particulier ? Traiter un homme de cette façon ! Je trouve ça... un être humain ! Non, c'est une honte. Un scandale. Vous êtes sévère. Ça va mieux. Partons. Déjà ? Un instant. Pliant. Encore. Ah. Me voilà réinstallé. Partons. J'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse. Restez encore un peu, vous ne le regretterez pas. Nous avons le temps. Je m'en vais. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages ? Mais ça m'étonnerait. On vous pose une question. Une question ? Qui ? Laquelle ? Tout à l'heure, vous me disiez monsieur en tremblant. Maintenant, vous me posez des questions. Ça va mal finir.